À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les conférences ont eu lieu à Helsinki, Finlande, à Conakry et à la Compagnie Générale Gekopress, Guinée, en présence des personnalités et habitants de divers milieux. À la conférence tenue en Finlande, les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du camarade Kim Jong-un.